Rwigira. La mise en onde est assurée par Alphonse Koubrimana. Nous sommes jeudi 25 juillet 2019. Voici le journal de cette mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Les contributions financières aux partis politiques sont autorisées pour tout parti politique qui le désire. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur après que le parti CNDD-FDD ait organisé les activités de collecte de ses contributions électorales. Vous entendrez dès le début de cette édition Tarcisse Niongabo, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole du ministère, qui précise la condition préalable pour organiser ce genre d'opération. Et bientôt, le secteur minier au Burundi sera géré à la présidence de la République. C'est la déclaration d'Alain Diomède Nzeyimana, porte-parole adjoint du président de la République. Et c'est après la réunion tenue par le numéro 1 burundais à l'endroit des intervenants dans le secteur minier. Et la mairie de Bujumbura est accusée par le premier vice-président de la République de constituer un obstacle pour certains investisseurs dans l'enlèvement des immondices. Et comme à l'accoutumée, tous les jeudis, vous aurez droit à la chronique et justice. Et aujourd'hui, on va parler des jugements rendus en matière civile. Voilà pour les grands titres. La radio de l'avenir. Et on ne va pas commencer par l'élément en rapport avec la politique, mais parlons gouvernance. Et pour débuter cette édition, la présidence de la République s'engage à prendre à main la gestion des minerais. Au terme de la réunion animée par le président de la République à l'endroit des opérateurs du secteur minier, son mercredi à Bobanza, porte-parole adjointe de la présidence a indiqué qu'au cours du trimestre écoulé, les recettes de ce secteur sont estimées à 12 millions de dollars américains. Selon Alain Diomède Nzeyimana, le président de la République a déploré que certaines sociétés minières n'honorent pas leurs engagements. Suivez Alain Diomède Nzeyimana et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la Radio Nationale. Aujourd'hui, on est à un moment de pouvoir montrer quels sont les avantages de l'exploitation des mines au Burundi. Il y a des coopératives et des sociétés qui exploitent les minerais d'une manière artisanale, mais aussi il y a des sociétés industrielles. Alors, ce qui a été remarqué aujourd'hui, c'est que les défis qui se présentaient dans le passé commencent à devenir des avantages. Là, on peut par exemple vous dire les recettes des trois derniers mois sont passées à plus de 12 millions de dollars. Cela vient démontrer que quand on est en train de parler que nous sommes autonomes en ce qui concerne le budget national, c'est parce qu'il y a justement des recettes. Une autre chose, c'est que en ce qui concerne les statistiques, on a remarqué que dans le passé, on disait par exemple que le secteur minier ne faisait entrer que 1%. Il y a des statistiques qui sont fausses. Son Excellence le Président de la République a promis que désormais les services de la présidence vont commencer à s'impliquer dans les statistiques. D'ailleurs, Son Excellence le Président de la République a demandé au ministère de l'Énergie et Mines de montrer à la population burundaise là où on en sommes. Parce que chaque fois, on parle de l'exploitation des mines, mais les Burundais ne savent pas ce qu'ils vont gagner. Mais désormais, nous commençons à remarquer qu'il y a un avantage et que l'avenir est meilleur. Pour terminer, l'on a fait remarquer que désormais, on va commencer une usine de transformation du fer pour que l'équipement utilisé dans l'agriculture et l'élevage au Burundi soit fabriqué ici au Burundi. Aussi, on va lancer un laboratoire national de recherche pour qu'il n'y ait plus des gens qui transportent des matières premières pour aller faire de recherche à l'étranger. Et d'ailleurs, ça va réduire les frais parce que les gens seront payés ici au Burundi. Alain Diomède Nzeyimana, il est porte-parole adjoint du président de la République. En page politique, et les membres de différents partis politiques qui ne partagent pas les mêmes opinions ne sont pas des ennemis. Après les élections, ils auront besoin de vivre ensemble. Un appel du gouverneur de la province, Chang Huzo, Désiré Njinji, précise que la cohabitation est pacifique dans sa province suite à différentes réunions tenues. Il appelle les habitants de sa province à éviter tout comportement de nature à nuire à cette entente civile. La cohabitation entre les membres des différents partis politiques et dans notre province est bonne, étant donné que parfois même nous tenons des réunions à l'endroit des représentants des partis politiques et dans notre province. Cela se montre à travers les rapports que nous avons eus au cours de cette réunion. Nous avons aussi conseillé les représentants des partis politiques qui ne voulons pas qu'il y ait vraiment déjà de chamaille et compte tenu qui ne partagent pas les mêmes idées politiques, étant donné que nous approchons la période électorale, nous demandons aux différents partis politiques vraiment de se mettre ensemble. Pour ce qu'il y ait un problème ici et là, Il faut qu'ils viennent ces gens-là, puissent s'asseoir et trouver vraiment une solution face à un problème qui pourrait surgir. Nous voulons que notre province puisse dominer vers l'extérieur tout en étant en paix et en sécurité. Certaines informations parlent de membres du parti CNL qui sont interdits de prendre des motos par des membres du parti au pouvoir. Serez-vous au courant? Je n'ai jamais eu cette information. Nous avons tenu une réunion à l'endroit de ces différents partis et politiques. Aucun membre du CNL n'a signalé vraiment qu'on l'a empêché de prendre une moto ici et là. Personne n'a signalé vraiment qu'il y a vraiment une mauvaise cohabitation entre les différents partis politiques. C'est vraiment nouveau. Dans d'autres coins du pays, on entend des permanences falsifiées ou détruites. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour prévenir un tel comportement? Nous nous enseignons vraiment les différents membres des partis politiques. Puisque même si nous approchons des échéances électorales, ça se passe dans une journée, mais les gens continuent à vivre, les gens passent à leurs activités quotidiennes. C'est pourquoi nous interpellons les membres des différents partis politiques. Les gens doivent vivre en bonne et due forme. Mais quelqu'un vraiment qui veut, par exemple, tenir une réunion, personne ne l'empêche à le faire. Nous essayons quand même de prévenir les pauvres qui n'aient pas vraiment de tels actes ignobles. Désiré Ndjindji, le gouverneur de la province Changuzo, il a été joint au téléphone par notre consoeur Mireille Kanyange. Le ministère de l'Intérieur demande à la population et aux partis politiques de ne pas confondre les contributions aux élections de 2020 avec les contributions des partis politiques. Tarcisse Niongawa, assistant du ministre de l'Intérieur et porte-parole de son ministère, rappelle que les contributions aux élections de 2020 ont été suspendues par le chef de l'État la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Selon lui, tous les partis politiques ont le droit de collecter les contributions pour leur parti, à condition qu'ils informent l'activité à l'administration. C'est après que le parti au pouvoir ait organisé la collecte des contributions à la fin de la semaine dernière. Je voudrais rappeler que pour la mise en application de ce que son Excellence a déclaré la veille du 1er juillet, le ministre de l'Intérieur, de la Formation Patriotique et du Développement Local a adressé au gouverneur une lettre en date du 19 juillet pour leur demander de s'assurer en collaboration avec les comités provinciaux chargés du suivi de contribution de la population, de s'assurer que toute somme qui a été collectée a été versée au compte concerné. Et la commission au niveau national chargée de cette activité passera dans toutes les provinces pour justement se rendre compte et vérifier que toute la somme a été acheminée jusqu'au compte ouvert à cet effet. Ainsi pour dire à la population, encore une fois, que les contributions exigées par le gouvernement ont été suspendues par la parole du chef de l'État. Alors aujourd'hui, qu'il y ait un parti politique ou un autre qui demande une contribution à ses adeptes, c'est son droit. Mais j'inviterai justement à la population de s'assurer que celui qui lui demande de contribuer appartient à son parti politique. Parce que la population, elle savent justement différencier l'idée de les partis politiques ou pas. Donc, selon vous, si jamais demain, d'autres partis se rendent sur terrain pour collecter les contributions électorales, ils sont libres? La contribution aux partis politiques est libre. Les partis politiques ne peuvent pas utiliser les mêmes moyens. Surtout tous les partis politiques n'ont pas la même force. Et chacun utilisera le moyen qui lui convient, mais qui ne nuise pas à la paix et à la sécurité de la population. Il est recommandé que chaque activité qui est organisé par un parti politique soit annoncé à l'administratif du lieu. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 13h07 dans les studios de la radio Isanganiro, parlons salubrité, mais plutôt insalubrité. Le premier vice-président de la République a reproché à la mairie de Bujumbura de refuser à certains investisseurs l'enlèvement des ordures. Pour Gaston Sindimgo, ces déchets devraient d'ailleurs être transformés en électricité. Il a dit ce mercredi lors de l'ouverture de la foire commerciale des produits locaux au centre-ville de Bujumbura. Le conseiller principal du maire de la ville de Bujumbura demande aux habitants de Bujumbura de ne pas jeter les déchets partout, mais plutôt de les entasser dans un même endroit en attendant que les services habilités les acheminent au dépotoir. Mireille Naomi Nitegeka. C'est lors de ces cérémonies de lancement officiel de la foire commerciale que le premier vice-président de la République a soulevé la question relative aux déchets ménagers. C'est devenu un casse-tête à mairie de Bujumbura, selon Gaston Sindimgo. Pour lui, la raison serait qu'il y en a ceux qui voudraient les collecter, mais manque l'autorisation auprès des autorités municipales. nous constatons que dans la capitale économique Bujumbura, beaucoup de déchets ménagers sont éparpillés partout. Nous vous demandons de vous ressaisir. Nous avons appris qu'il y a eu des investisseurs qui ont demandé l'autorisation d'investir dans la collecte de ces déchets, mais nous ignorons les raisons qui ont fait qu'il n'y ait pas cette autorisation. Le premier vice-président affirme que ces déchets peuvent être transformés, quitte à devenir plutôt bénéfiques à la population, au lieu de constituer un problème. Faites en sorte que ces déchets puissent être transformés en électricité et dans la production du gaz. Nous vous demandons que d'ici l'année prochaine, vous ayez trouvé des investisseurs afin que ces déchets ménagers soient transformés dans des produits réutilisables. C'est possible. L'essentiel est de se mettre au travail. Ramadan Mourikié, le conseiller principal du maire, demande aux citadins de ne pas jeter ces déchets n'importe où, mais de les rassembler à des endroits sûrs en attendant que les concernés viennent les collecter. Souvenez-vous que la mairie de Bujumbura a fait sa priorité la question des déchets ménagers à la mairie de Bujumbura, surtout les objets en plastique, comme le gouvernement du Burundi a pris la mesure interdisant l'importation des sachets en plastique. En tout ce que nous faisons, essayons de rassembler ces déchets en plastique à un endroit pour aider à rendre propre notre capitale. La mairie de Bujumbura a déjà annoncé qu'elle prévoit aménager un nouveau dépotoir, plus moderne encore, en province de Bubanza. C'est là où on va mettre ces déchets ménagers. Merci Mireille Naomi. Nitegeka, parlons économie à présent. Plus de 4000 entreprises, dont 83% de coopératives, ont été créées et enregistrées à l'agence de promotion de l'investissement API au cours du dernier trimestre de l'exercice budgétaire 2018-2019. Cette annonce a été faite par le directeur de l'API lors de la présentation des réalisations trimestrielles ce jeudi. Il a indiqué que 5 entreprises vont bénéficier des exonérations. Léonard Senhore fait savoir que l'octroi des exonérations est désormais soumis à une régulation très stricte et je vous propose de l'écouter. Concernant la création d'entreprises, l'évolution des immatriculations des sociétés pour ce trimestre montre une croissance particulière par comparaison à la même période de l'année précédente. Et ceci est dû essentiellement à l'enregistrement d'un grand nombre de coopératives. Nous avons donc enregistré 4080 entreprises, dont 83% sont des coopératives. Et pour la même période de l'année passée, nous avions enregistré 842 entreprises. L'API, depuis un certain nombre d'années, fait un suivi serré des exonérations. D'abord, en amont, nous étudions minutieusement les projets qui doivent bénéficier des exonérations. Nous en étudions la rentabilité, mais également nous étudions l'impact en termes de création d'emplois, en termes de valeur ajoutée, d'être aux produits locaux, en termes de génération de devises. Et donc, il y a cette analyse préalable qui est faite pour voir effectivement si les exonérations sont données à des projets qui sont pertinents. Et lors de la mise en œuvre des projets, nous faisons également un suivi serré. Parce qu'actuellement, les exonérations sont données phase par phase. On ne donne plus les exonérations une fois pour toutes, non. Les projets suivants sont exécutés par phase. On donne les exonérations pour la première phase et puis on fait le suivi. Quand il y a une nouvelle demande, nous allons sur le terrain pour voir effectivement que les premiers biens qui ont été exonérés ont été effectivement utilisés sur le projet qui a été présenté. Pour rassurer en fait l'opinion nationale que actuellement le premier détournement des exonérations n'est pas d'actualité. Et l'API fait de son mieux d'ailleurs en collaboration avec l'Office de Bonnet de Rosette pour faire un suivi et approprié et de la destination des biens qui ont été exonérés. Parlons femmes. Et pour parler de la femme, nous nous rendons à Mugina, en province de Cibitoki, où des jeunes filles exercent beaucoup d'activités comparativement à leurs frères. Et c'est leur constat, c'est le constat de ces habitants de cette colline et zone Erugajo. C'est en commune Mugina et la province de Cibitoki, comme je le disais tout à l'heure. Ils expliquent que la culture ancestrale burundaise serait à l'origine de la répartition disproportionnelle des tâches entre les enfants. Par conséquent, ils déplorent l'abandon scolaire, la fatigue de ses filles et demande aux parents d'abolir le favoritisme entre les enfants. Vestine Boutoui s'est rendue à Cibitoki et son reportage. Telles sont des tâches journalières exercées par des filles. Une des filles rencontrée sur la colline Ezone Rugajo, en commune Mugina de la province de Cibitoke, indique que la multitude des travaux ménagers qu'elles sont tenues à accomplir serait le résultat de leur éducation familiale. Nous les faisons parce que nos parents nous ont dit que la fille doit s'occuper de toutes les activités ménagères. Un des parents de cette localité affirme qu'on ne peut jamais dispatcher les activités ménagères de façon équitable entre les garçons et les filles. Cet homme explique que quand un garçon est né dans une famille de 5 filles, il serait un roi, mais le cas contraire, c'est le calvaire, car la fille devra faire toutes les tâches ménagères. Un jeune garçon, dit du endroit, conclut que le fait que les filles ont de grandes responsabilités dans l'exercice des activités ménagères trouverait ses racines dans la culture burundaise. Il dit qu'en se basant sur la culture burundaise, les travaux se diffèrent selon le genre. Les garçons ont tendance à imiter leur papa au moment où les filles imitent leur maman, ce qui fait que parfois, il y a des tâches que les garçons ont du mal à exercer. Cependant, bien qu'il y ait des garçons qui n'aident pas leur sœur à accomplir certaines tâches familiales, il y en a d'autres qui les aident, affirme cette femme. Quand nous étions encore jeunes, mon frère m'aidait dans pas mal de choses. Si je puise de l'eau, aujourd'hui, le lendemain sera son tour. S'il prépare de la pâte, du manioc, moi, je m'occupe de la Le manque du temps pour la révision des notes chez la fille qui est sur le banc de l'école et la fatigue sont certaines des conséquences liées aux multiples activités journalières faites par des filles. Une des parents de la dite localité déplore qu'à cause de ces activités multiformes, elle a dû abandonner l'école. J'étais en 5e année et nous avions 6 jours par semaine. Mes parents ne m'ont donné que 3 jours d'études et j'étais obligée de quitter l'école à cause des tâches ménagères. Ferdinand Simbaruhije, secrétaire général de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Fenade Bansigle, fait savoir que tous les enfants, que ce soit garçons ou filles, devraient être traités de la même manière, conformément aux conventions internationales qu'internationales relatives aux droits de l'enfant. Nous avons aujourd'hui des outils importants qui, à notre avis, devraient servir de référence. Nous avons aujourd'hui notamment des textes nationaux de protection de l'enfance, on les connaît, qui protègent les enfants de façon sans tenir compte de sexe. Ferdinand Simbaruhi, je crois que les parents qui ne traiteraient pas les enfants de la même façon seraient ignorants et les demandent à changer de la mentalité en vue d'assurer la répartition équitable des tâches entre les enfants. Radio Isanganiro, chronique justice. Les jugements rendus par défaut en matière civile sont susceptibles d'opposition devant la même juridiction qui a rendu cette décision. Cette voie de recours est prévue par le code de procédure respecte certaines conditions, et notamment le recours se faisant dans un délai de 30 jours. Maître Emile Nkengurutse explique qu'un jugement rendu par défaut est celui qui tombe à l'absence de débat contradictoire devant le juge. Plus de précisions, c'est dans cette chronique justice signée Alain Désiré Bukayeneta. On parle de jugement par défaut, celui rendu en l'absence de comparution de représentation du défendeur, toutes les parties au procès n'ayant pas participé au débat contradictoire, explique Maître Emile Nkengurutse. C'est là où le juge décide, évidemment après un délai, ce qu'on appelle des remises. Au-delà de 3 remises, si la partie ne se présente pas, le juge peut prendre l'affaire en délibéré et le juger par défaut. La partie qui se sent lésée procède à une voie de recours dite opposition. La partie qui n'a pas participé au procès, qui n'est pas satisfaite de la solution donnée à un litige, peut, par cette voie d'opposition, saisir la même juridiction qui a statué sur cette affaire pour demander que cette affaire soit revue. Le recours est fait devant la même juridiction dans le respect de certaines conditions, continue Maître Nkengurutse. Les conditions, c'est être parti d'abord au procès, tu vois la qualité, et tu avais un intérêt dans ce genre de litige. Être absent dans les débats, la loi autorise la partie, donc la partie qui n'est pas présente au procès, de pouvoir user de ce recours qu'on appelle l'opposition devant le même juge qui peut alors statuer de nouveau. L'opposition est exercée dans un délai de 30 jours. Le délai, c'est 30 jours après la signification. Et on va compter au lendemain de la signification du procès attaqué, on compte 30 jours. Les jugements rendus au premier degré en matière sociale et commerciale ne sont pas susceptibles d'opposition. Il en est de même pour d'autres cas que la loi écarte l'opposition de manière expresse. Quant aux effets, l'exécution du jugement rendu en premier est suspendue, selon toujours Maître Émile Nguengurutse. L'effet majeur, c'est qu'il y a suspension de l'exécution. On va suspendre l'exécution du jugement en attendant que le juge se prononce de nouveau sur cette affaire. Il faut dire quand même que l'article 183 du Code, qui consacre un principe général du droit, si l'opposition le vaut, ça veut dire que celui qui serait jugé une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition. C'est là la nuance. Sinon, c'est le même tribunal qui avait statué par défaut qui est saisi de nouveau pour cette même affaire. Celui qui s'est laissé juger une seconde fois par défaut pourra non plus former opposition, mais plutôt interjeter appel. Merci Alain Désiré Boukeneza, mais également à vous, Maître Émile Nguengurutse. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je dis également merci à Alphonse Kubwimana pour la mise en onde. L'Inibel Nibigila GTA à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi et bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.